Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a annoncé que les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont tenu le rassemblement à la bougie le 4 août devant la mairie de l'arrondissement contre la disposition du SAD.